Chapitre 8e. Utilité du couscous. Un soir, dans le salon de l'appartement de Karim, des convives sont assis autour d'un fumant couscous sur la table de bois ronde et basse. Outre Karim sont présents Sinafid, Akli le boulanger, Rachid le coiffeur, Saïd et Siamid le vieux retraité planteur d'arbres sur la place. L'atmosphère est joyeuse. Cette rencontre fut proposée par Sinafid pour deux motifs. D'une part, renforcer les liens entre les participants au nettoyage avec Saïd, et d'autre part, trouver la manière de riposter à une éventuelle future opposition policière contre l'entraide collective concernant la propreté de la petite place du quartier. « Ne jamais se résigner, » déclare le coiffeur. « Certes, les forces du mal, comme on dit, sont plus fortes que nous. Mais nous avons notre tête. Nous devons la faire fonctionner pour trouver la parade. La place entre nos immeubles est quand même à nous, les résidents. Et la tenir propre, c'est une incitation pour mettre la propreté également dans nos esprits. Nos compatriotes de Kabylie l'ont compris avant nous, n'est-ce pas, Akli ?»« Oui. » Depuis quelque temps, les habitants des villages se sont lancés dans une belle compétition pour tenir propre leur village. Ils ont même organisé un concours du village le plus propre. Et cela fonctionne, fait plaisir et encourage les citoyens à compter sur eux-mêmes. Ils ont réussi cette belle entreprise, précise Rachid, parce qu'ils ont su, depuis longtemps, affronter l'État et son arbitraire, tandis qu'ici, on attend tout de l'État, quand ce n'est pas d'Allah. Lequel, il faut bien l'admettre, ne répond pas à l'appel. C'est sa manière de dire « Ya Eibad !»« Oh créature, je vous ai donné un cerveau, alors comptez d'abord sur vous-même. » « Pourtant, intervient Karim, une fois qu'on veut se passer des services de l'État, parce qu'il fonctionne mal, sa police vient nous interdire d'agir. Et le motif de cette interdiction me semble clair. Empêcher les citoyens de compter sur eux-mêmes, de peur qu'en apprenant à autogérer la propreté de leur place, ils apprennent à autogérer d'autres de leurs droits. Plus important. Sinafid suit la discussion avec attention, sans intervenir. C'est exactement ça, approuve Rachid. En effet, c'est malheureusement ainsi, confirme le sympathique planteur d'arbres de sa voix aigrelette. Tandis que les neurones carburent, les mâchoires mâchonnent en jouissant de l'excellente saveur du couscous, le coiffeur s'adresse à celui qui n'a pas encore parlé. Sinafid, as-tu une idée de solution ? Ce dernier pose sa cuillère sur la table et déclare « Il me semble qu'il faut d'abord poser un principe. Chaque fois que Saïd a trop de travail, sans pouvoir l'effectuer dans un temps raisonnable, nous devons l'aider ensemble, sans attendre la venue des employés communaux. Ainsi, nous donnerons une leçon aux dirigeants de l'État, en leur montrant que nous sommes capables de nous passer d'eux et de leurs services inadéquats. Considérons maintenant le problème de la police. Si elle revient pour nous empêcher d'accomplir le nettoyage citoyen, il faut néanmoins persister, pacifiquement, même au risque d'être arrêté, car rien ne justifie l'opposition de la police à notre action. « Ils oseraient encore ?» demande le vieux écologiste Siamid. « Cela dépendra du rapport de force, » réplique Sinafid. « Concrètement, du nombre de voisins qui nous rejoindront dans cette action. Aussi, je propose que chacun de nous parle avec ses voisins, leur explique notre action, démontre qu'elle est au service de tous les habitants du quartier. » Et que rien en elle n'est négatif, tout le contraire. Enfin, que nous ne sommes pas des agitateurs politiques, mais simplement des citoyens désireux de prendre en charge ce qu'ils peuvent. Aussi, les autorités étatiques devraient être très satisfaites de notre action et même l'encourager, si elles sont vraiment ce qu'elles prétendent, soucieuses du bien public. « Je suis d'accord, » affirme Rachid. « Beaucoup de voisins ont peur de s'impliquer. Les 10 années de terrorisme ont trop détruit dans chaque Algérien et Algérienne. Et l'État étouffe toute velléité de liberté et de solidarité entre les citoyens, car il sait qu'elle menace sa prétention à tout décider et à tout gérer. Par conséquent, nous devons nous armer de toute la patience nécessaire et du maximum de notre intelligence pour parler avec nos voisins. Pour employer une expression apparemment grandiloquente, mais qui ne l'est pas, je dis « Nous devons commencer notre seconde guerre de libération, non pas de la patrie, mais de son peuple. » Le vieux Sinafid intervient. Une autre chose me semble bonne à faire. Fabriquer quelques bancs en bois et les installer sur la place, là où c'est possible, sur le terrain abandonné, afin que les personnes, notamment âgées, puissent venir s'asseoir et bavarder ensemble. Oui, c'est vrai, déclare Rachid. Alors, conclut Sinafid satisfait, honorons le couscous que la mère de Karim nous a généreusement préparé. Si j'étais poète, j'aurais écrit un texte avec ce titre de l'utilité du couscous. Tous éclatent de rire en reprenant chacun sa cuillère.